notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. De la bouche des enfants, tu fondes ta force. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Les brebis, les bœufs, les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer.